Tu vois, c'est sûr. Mais le PRA, c'est assez facile en fait. Hein. Tu fais un morceau qui colle à la demande du public, une production d'aujourd'hui, qui sent bon la mairie. Et des contacts sur Paris, hein. Sans ça tu sortiras pas la tête de l'eau. Brasse, commence à me péter les couilles avec tes histoires. Je te saoule. Ouais, ça me saoule. Je te parle de ça. Qui t'a dit qu'on voulait respirer? Qui t'a dit qu'on voulait sortir la tête de l'eau, enfoiré? Allez, maintenant tu sors. Ils diront que la Barbara, galère à mort, ils parlent shit. Les armes à table, on parle rap. Mais les malpolis, ils parlent chiffres. Et gros, j'suis pas d'humeur à rire, ni à pleurer non plus, man. J'suis de l'autre côté de la rive, là où les hommes pleuraient non plus, man. Le savoir est une arme. On ne m'a appris que l'essentiel, moi élevé à la patate, la brique, les anciennes, c'est beau. Ici y'a pas de traître, rassure mon dos. Si le savoir est une arme, gros, déclare une lame, t'en trouveras sur mon dos. Parsemé de tâches, ma pose est diablerie et vaudou. La barbarie est vautour, ma barbarie les vautous. Des barres de rive à rue, c'était la garderie et ses gardes. On parlait rimes, vacanciers, gendarmerie et ses gardes. Parlez-moi de haine, je vous comprendrai. Du pouvoir de vos rois, du rat, de celui de vos reines, je vous comprendrai. Épargnez-moi vos résidents, telle est peine de cœur. Voyons, voyons, la rime fait peur quand elle est pleine de cœur. De haine et d'eau tienne, après t'es stamé la viande à four. C'est peut-être ta mère à rien à foutre. Assis souffre, elle en est jouée, quasi sourd. C'est de la flûte que tu voulais lui jouer, vas-y souffre. Si jamais tout s'effondre alors qu'il est, tu croyais que j'avais touché le fond, je creuse encore l'heure qu'il est. Cette mélodie indécente que chante à ma pelle, c'est un son inaudible, décente que chante à ma peine. J'avais trop de poids, aurais-tu laissé tes rimes? J'ai laissé l'espoir dans une galerie du troisième tunnel, c'est terrible. La haut femelle est mal souffre, poids des parpaings. Moi j'écrivais le poids du mal sous le poids des parpaings. Mon pied s'en sort, ma voix gît dans la boue. J'peins les avec une cuillère en argent, mais un mawashi dans la bouche. Mec, j'écris ces vers en plein milieu des eaux, à 6 mètres du noyau de la terre, à 20 milieu des autres, là où la lumière ne passe pas. Sublime, là où le clébard ou l'homme qui ne sait pas se battre sublime. Parlez-moi de haine, je vous comprendrai. Du pouvoir de vos rois, de celui de vos reines, vous comprendrez. Épargnez-moi vos récits de baisse, puis tu rentres seul. J'espère t'as repéré la route, je reste ici, tu rentres seul. Seul, c'est une blague. Vous m'entendez? Et où donc ce Monday? Donc vous m'avez parlé tout à l'heure. Vous m'entendez? Non, je n'ai pas repéré les galeries. De haine et d'eau tienne,